The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Flabbergasted. Sidéré. Transplant. La transplantation. Heart. Cardiaque. Artificial. Artificiel. To compensate for. Pallier à. Shortage. La pénurie. Donor. Le donneur. Surgeon. Le chirurgien. Bioprosthesis. La bioprothèse. To award. Récompenser. Regulator. Le régulateur. Cardiac patient. L'insuffisant cardiaque. Experiment. L'expérimentation. On the right track. En bonne voie. Now, a bit faster. On the right track. En bonne voie. Transplant. La transplantation. Donor. Le donneur. Surgeon. Le chirurgien. Flabbergasted. Sidéré. Shortage. La pénurie. On the right track. En bonne voie. Cardiac patient. L'insuffisant cardiaque. Regulator. Le régulateur. Heart. Cardiaque. Bioprosthesis. La bioprothèse. On the right track. En bonne voie. To award. Récompenser. Transplant. La transplantation. Cardiac patient. L'insuffisant cardiaque. On the right track. En bonne voie. To compensate for. Pallier à. Experiment. L'expérimentation. Transplant. La transplantation. Cardiac patient. L'insuffisant cardiaque. Heart. Cardiaque. Bioprosthesis. La bioprothèse. Flabbergasted. Sidéré. Surgeon. Le chirurgien. Regulator. Le régulateur. Artificial. Artificiel. Regulator. Le régulateur. To compensate for. Pallier à. To award. Récompenser. Now, use the words in context. Sidéré. I was astounded to hear that he died last week. He was only 19 years old. J'ai été sidéré d'apprendre qu'il est décédé la semaine dernière. Il n'avait que 19 ans. Cardiaque. He had a heart attack yesterday. He's still in the hospital. Il a fait une crise cardiaque hier. Il est encore à l'hôpital. Pallier à. Many houses are made of wood in Japan to compensate for the possibility of an earthquake. Pour pallier à l'éventualité d'un séisme, au Japon, beaucoup de maisons sont construites en bois. Récompenser. After subscribing for 5 years, loyal customers are awarded a free 1-year subscription. Après 5 ans d'abonnement, les clients fidèles sont récompensés par un abonnement d'un an gratuit. En bonne voie. They haven't found a vaccine to fight against that sickness, but they are getting there. Ils n'ont pas encore trouvé un vaccin contre cette maladie, mais ils sont en bonne voie. Sidéré. I was astounded to hear that he died last week. He was only 19 years old. J'ai été sidéré d'apprendre qu'il est décédé la semaine dernière. Il n'avait que 19 ans. Cardiaque. He had a heart attack yesterday. He's still in the hospital. Il a fait une crise cardiaque hier. Il est encore à l'hôpital.